That's the sound of the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. À toutes et tous et bienvenue dans l'émission du magazine Libertaire, comme chaque mercredi à 12h05 sur Jet FM 91.2 à Nantes et jetfm.fr sur internet. L'émission du magazine Libertaire, c'est une émission d'actu qui parle de lutte, notamment, qui parle aussi de la France et du monde qui pue, et qui essaye de donner la parole à celles et ceux qu'on n'a pas l'habitude ou peu l'habitude d'entendre d'habitude dans les médias. Aujourd'hui, on va parler d'Emma Goldman et on va aussi parler de Parcoursup. Et puis, je voulais ajouter qu'aujourd'hui, on est en équipe réduite au Maglib parce que je suis toute seule et du coup, j'expérimente pour la première fois d'être en même temps au micro et à la technique. Et donc, peut-être que vos oreilles auront aussi l'occasion d'expérimenter quelques petits couacs techniques. J'espère que non quand même. Aujourd'hui, du coup, je disais, on va parler d'Emma Goldman et notamment, on va en parler avec la diffusion d'un son qui avait été pris lors de la présentation du bouquin « Vivre ma vie », donc d'Emma Goldman. Et c'était à l'occasion de la réédition de ce bouquin en langue française aux éditions de L'Échappée. Et Laure Baltier, une des traductrices de ce livre, est venue présenter le travail de 4 longues années à la librairie Vent d'Ouest. C'était en novembre 2018. Contrairement à la précédente édition, cet ouvrage est enfin disponible dans son intégralité dans le monde francophone et il retrace la vie trépidante et mouvementée d'Emma Goldman autour d'une autobiographie facile à lire et très descriptive. Dans le son qu'on va écouter ensemble, Laure Baltier présente en 45 minutes les grands chapitres de ce livre, ô combien important pour la mémoire anti-autoritaire. La période américaine, la révolution russe de 1917 et sa dérive autoritaire, son expulsion par les bolcheviks et enfin les années d'exil jusqu'à sa mort. Je vous laisse donc avec Laure et on se retrouve tout à l'heure en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est super d'être là et de présenter ce livre qui est un objet. D'abord, rien qu'en tant qu'objet, il est absolument magnifique. Et il est aussi beau que son contenu. Il donne vraiment toute la valeur à son contenu. Voilà, donc c'est vraiment un bonheur de le présenter. Donc Emma Goldman, elle a commencé à écrire ses mémoires, son autobiographie. Donc on a traduit par « Vivre ma vie ». Elle a commencé à l'écrire en 1928 à Saint-Tropez. C'était là qu'elle était en exil pendant une période. Et elle l'a fini en 1931. Et il est paru aux États-Unis sous le titre donc « Living my life ». On sait qu'il a été très bien accueilli par la presse, par les critiques, mais il a été dans l'ensemble peu vendu parce qu'il était cher et qu'on était en pleine crise économique. Voilà. Et après, il y a eu 40 ans de silence et il a fallu attendre le renouveau des mouvements de contestation aux États-Unis dans les années, à la fin des années 60. Il a fallu attendre un renouveau du mouvement féministe pour qu'on republie aux États-Unis, en tout cas, Living My Life, et pour qu'on découvre en France Emma Goldman. Je pense que beaucoup d'entre vous ici ont dû lire L'épopée d'une anarchiste, en pensant que c'était la traduction intégrale en fait de ses mémoires. En fait, ça ne l'est pas. Les traductrices elles-mêmes le disent. C'est une adaptation seulement de la version intégrale, parce que seulement un tiers du livre figure dans cette traduction. Et en particulier, les années américaines ont été vraiment... c'est les années qui ont été les plus coupées, on va dire, dans cette traduction. Or, les années américaines, c'est les années les plus importantes dans la vie d'Emma Goldman, parce que d'abord, c'est les années où elle s'est formée, où elle est devenue ce qu'elle a été. Et c'est quand même 35 ans de son existence. Donc vraiment, c'est la partie la plus importante dans son activité. Donc on peut dire que grâce à L'Échappée, ben, ils ont fait le pari de publier cette version intégrale et qui redonne enfin le vrai visage de qui a été Emma Goldman. Je voulais dire juste un mot sur comment on a travaillé, parce que vous imaginez bien qu'on a traduit 990 pages et que ça a été un long travail. On a mis plus de 4 ans et on a travaillé avec Jacqueline Royce. On a travaillé en équipe, en fait, avec deux autres amis qui ont relu, qui ont corrigé, qui ont corrigé avec nous. Donc c'est vraiment le produit d'un travail collectif. Et on a travaillé évidemment aussi très collectivement avec L'Échappée. Donc avec l'éditeur pour le choix du titre, le choix de l'album photo, des photos, parce qu'il y a un très très bel album photo. Voilà, donc je peux dire, je voulais insister là-dessus, qu'on a pu faire ça que parce que c'était un travail collectif, autrement on n'y serait jamais arrivé. Et ce qu'on s'est rendu compte très vite dans la traduction, c'est que quand on a commencé à traduire, c'est qu'il y avait beaucoup d'erreurs en fait dans la version originale d'Emma Goldman. Il y avait beaucoup d'erreurs dans les dates, dans les lieux, dans les noms. Elle commence à décrire, par exemple, qu'elle arrive dans le port de New York et qu'elle voit la Statue de la Liberté. En fait, la Statue de la Liberté, elle n'était pas encore sur son socle. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, en fait, elles s'expliquent par les conditions dans lesquelles elle a écrit son autobiographie, puisque elle l'a écrit en 1928. Depuis 1922, elle vivait en exil et elle était ballottée de pays en pays, donc elle n'avait plus du tout d'archives personnelles. Et toutes ses archives américaines avaient été confisquées par la police. Donc ce qu'elle a fait pour reconstituer l'histoire, enfin cette période-là, elle a demandé à ses amis de lui renvoyer toutes les lettres qu'elle avait écrites. Heureusement, elle écrivait énormément. Donc elle a eu, je crois, presque 2000 lettres qui lui sont revenues. Et puis, avec les coupures de journaux, de documents de l'époque, elle a pu reconstituer l'époque. Et aussi, elle s'est servie de sa mémoire. Et évidemment, la mémoire peut être très défaillée. Donc elle a fait beaucoup d'erreurs. Donc on a fait un énorme travail de recherche. Et on a fait le choix donc, de corriger, quand c'était des erreurs mineures sur des noms, des prénoms ou des dates qui n'étaient pas essentielles, on les a corrigées directement dans le texte. Et quand c'est des erreurs plus substantielles, on a fait des notes. Mais évidemment, on ne voulait pas, avec un ouvrage de 1000 pages, on ne voulait pas alourdir encore le travail. Donc on a essayé de limiter vraiment au maximum le travail de notes. Donc maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la période américaine, après sur la période russe, les années d'exil, et puis les différentes facettes d'Emma Goldman. Donc sur la période américaine, elle arrive aux États-Unis en 1886, elle a 16 ans, elle vient de l'Empire russe, elle est d'une famille, sa famille est juive lituanienne, elle a dû quitter l'école à l'âge de 13-14 ans pour devenir ouvrière dans la confection. Voilà, donc elle arrive aux États-Unis comme des millions d'immigrés à l'époque pour trouver une vie meilleure. Et à peine quelques mois après son arrivée aux États-Unis, il y a les événements de Haymarket Square. Elle apprend dans une réunion les événements de Haymarket Square à Chicago. En mai 1886, on était en pleine... le mouvement ouvrier se battait à l'époque pour la revendication de la journée des 8 heures. Donc on était en pleine manifestation. Il y avait eu une manifestation pacifique, il y avait une bombe qui avait explosé. Il y avait eu des morts et des blessés. Le mouvement anarchiste était alors très important à Chicago et on avait immédiatement accusé 8 anarchistes d'avoir lancé la bombe. À l'heure d'aujourd'hui, personne n'a évidemment prouvé que c'était eux qui avaient lancé la bombe, puisqu'il y en avait d'ailleurs un certain nombre d'entre eux qui n'étaient même pas présents sur les lieux de la manifestation. Donc ils ont été condamnés, 4 ont été condamnés à être pendus, donc ils seront pendus en novembre 1887. 3 autres ont été condamnés à la prison, dont 2 à la prison à vie, ils vont être graciés, et 1 va se suicider en prison. Et ces événements-là, Daily Market Square, qui sont fêtés en fait aujourd'hui avec la fête du 1er mai, c'est des événements qui ont profondément bouleversé Emma Goldman. Emma Goldman, elle a 18 ans, et elle est, voilà, ça, c'est les événements qui vont fonder sa révolte et qui vont décider de son engagement dans le mouvement anarchiste, qu'elle va, voilà, qu'elle ne va jamais quitter jusqu'à la fin de sa vie. Donc à l'âge de 20 ans, parce que quand elle est arrivée aux États-Unis, elle est allée vivre dans une ville à Rochester, au nord de l'État de New York. Et à l'âge de 20 ans, elle décide d'aller à New York. Donc elle arrive avec sa machine à coudre, puisqu'elle est toujours ouvrière dans la confection. Et le jour même de son arrivée, elle rencontre Alexandre Berkman. Alexandre Berkman, voilà, ça va devenir son premier compagnon de vie. Il va ensuite devenir son ami et son compagnon de lutte. Ils vont rester très très proches jusqu'à la fin de la vie de l'un et la vie de l'autre. Et elle va rencontrer aussi Johann Most. Et Johann Most, c'était un ancien social-démocrate allemand qui était devenu anarchiste. C'était un très grand orateur. Il s'était lui aussi exilé aux États-Unis. Et il va devenir le mentor. Il va former en fait Emma Goldman politiquement. Et il va découvrir très vite qu'elle a des talents d'oratrice. Donc, en très peu de temps, elle va devenir une oratrice très reconnue, d'abord dans le mouvement anarchiste de langue yiddish et de langue allemande. Parce qu'il faut concevoir qu'à l'époque, une grande partie de la classe ouvrière immigrée des États-Unis venait des pays d'Europe centrale, venait d'Allemagne, venait de Scandinavie. Donc, une des langues partagées, c'était le yiddish et c'était aussi l'allemand. Et le mouvement ouvrier était vraiment très puissant. Voilà, donc elle devient une oratrice très reconnue dans ce milieu-là. Mais elle, très vite, elle comprend que si on veut étendre la propagande anarchiste, il faut s'adresser au public américain, il faut s'adresser à la classe ouvrière américaine. Elle avait appris l'anglais de façon autodidacte. Elle parlait très bien l'anglais, mais voilà, elle avait appris de façon autodidacte. Elle savait déjà le russe. Le yiddish et l'allemand, puisque c'était les langues dans lesquelles elle avait été éduquée. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, elle va sillonner vraiment les États-Unis d'est en ouest, donner des conférences. Parfois, elle donne plusieurs centaines de conférences par an. Et ces conférences attiraient un nombre incroyable de gens. C'était des milliers de personnes qui venaient l'écouter. Donc elle va sillonner les États-Unis pendant de nombreuses années. Et pour vraiment appréhender l'importance qu'elle a eue, il faut resituer un peu le contexte de l'époque. C'était un contexte où il y avait une intense agitation sociale au sein de la classe ouvrière. Le taux d'exploitation était absolument effroyable. Il y avait très peu d'organes de médiation. Il n'y avait pas de parti social-démocrate comme en France, comme en Allemagne. Les syndicats étaient très peu développés. Et il y avait des grèves. Les grèves étaient vraiment massives et puissantes. Par exemple, dans le secteur des mines, dans le secteur des textiles, c'était des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui se mettaient en grève. Et la seule réponse du patronat, c'était la répression. Et la répression, elle était absolument effroyable. Le patronat faisait appel à des milices privées et on tirait à balles réelles sur les grévistes. Voilà, c'est dans ce contexte-là que Emma Goldman va intervenir, et elle va intervenir dans les manifestations de chômeurs, dans les luttes ouvrières, et avec toujours une idée, c'est de défendre la prise en main par les ouvriers de leur propre lutte, hors des syndicats, hors des partis politiques, voilà, et de prôner aussi l'action directe. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'elle intervient et qu'elle devient donc une oratrice très reconnue, une agitatrice très reconnue dans le milieu ouvrier. Mais Emma Goldman, c'est aussi une femme, voilà. Et en tant que femme, Très vite, elle revendique sa liberté, la liberté d'aimer, la liberté d'aimer qui elle veut, quand elle veut, le nombre de personnes qu'elle veut. Elle revendique voilà, le droit de choisir sa vie. Donc le mouvement pour l'émancipation féminine va vraiment faire partie de... va être au centre en fait aussi de ses interventions. Elle va donner de nombreuses conférences sur ces thèmes, donc c'était la femme nouvelle, c'était l'amour libre, la sexualité, mais elle ne partageait pas les idées du mouvement féministe de l'époque qui, eux, se battaient pour le droit de vote, ce mouvement se battait à l'époque pour le droit de vote et pour le droit de travailler. Pour elle, il fallait que les femmes, il fallait aller beaucoup plus loin que ça. Pour elle, c'était les femmes devaient même s'émanciper de ce mouvement-là, parce que pour elle, c'était les femmes devaient reconsidérer complètement leur place dans le monde et s'affranchir du passé, s'affranchir voilà du poids des traditions. Elle n'hésitait pas à marteler devant des assemblées de femmes que la femme était aussi responsable que l'homme de la reproduction de la domination masculine. Et pour elle, la revendication de l'émancipation féminine, ça ne se posait pas contre l'homme, mais pour elle, c'était être avec les hommes. Voilà, c'était ça les principales idées, en tout cas, sur son idée du mouvement d'émancipation féminine. Elle avait appris, donc au départ, elle était ouvrière dans la confection, mais elle va apprendre le métier d'infirmière quand elle va être emprisonnée pendant un an. Et elle va aussi apprendre le métier de sage-femme. Et pendant donc plusieurs années, elle va exercer la profession de sage-femme, au départ, dans les quartiers les plus pauvres de New York, parce que c'était les plus pauvres qui faisaient appel en fait à des sages-femmes à domicile, les autres ils allaient à l'hôpital. Et elle est complètement bouleversée par les conditions dans lesquelles les femmes accouchent. Et en particulier, elle était bouleversée par le désespoir avec lequel les femmes lui demandaient comment avorter. Et évidemment, elle n'avait pas à cette époque-là, on est dans les années 1890, elle n'avait pas les moyens de pouvoir répondre à ça. Et d'ailleurs, elle se disait qu'elle ne le ferait pas parce que par humanité, elle ne savait pas comment faire. Donc pendant des années, elle va être elle va intervenir, elle va le droit pour la contraception, le droit pour la limitation du droit des familles va faire partie de ces combats, avec d'autres femmes comme Margaret Sanger, par exemple. On en parlait cet après-midi. Emma Goldman, elle est aussi profondément antipatriote, antimilitariste. Pour elle, la guerre, c'est vraiment une affaire de marchand de canons, dans lequel les exploités n'ont aucun camp à choisir. Et elle n'hésitait absolument pas d'intervenir dans les manifestations où il y avait des patriotes particulièrement véhéments ou des soldats qui étaient particulièrement véhéments aussi. Elle avait un don absolument incroyable de sentir les foules et de renverser une foule qui était au départ pas du tout en sa faveur. Et dans le livre, il y a plusieurs voilà, morceaux savoureux de ces moments-là où elle renverse la situation. Elle était profondément admiratrice de Kropotkin, à qui elle portait aussi une grande affection. Et quand Kropotkin, au moment de la Première Guerre mondiale, va défendre en fait le camp des Alliés contre l'Allemagne, elle va pas hésiter en fait à s'opposer à lui et contre la guerre, puisqu'elle est profondément antimilitariste. Et elle va signer avec 34 autres anarchistes le manifeste international contre la guerre. Ça, c'était en 1915. Voilà, parler des années américaines d'Emma Goldman, c'est aussi parler de ces années de combat à côté des IWW, avec qui elle a beaucoup combattu pour défendre la liberté d'expression. Pendant toutes ces années-là, la répression était terrible contre les manifestations, contre les meetings. Soit les meetings étaient interdits, soit ils étaient arrêtés en plein milieu par la police, ou soit ils se passaient avec la police en leur sein. Donc pendant des années, elle va lutter à côté des IWW pour défendre ce droit à la liberté d'expression. Et les IWW, c'était donc le syndicat qui s'était fondé, qui s'était constitué en 1905 à Chicago, qui revendiquait en fait, qui revendiquait l'action, le syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire l'action directe, l'organisation à la base, et surtout qui rassemblait en fait tous les ouvriers d'une même entreprise ou d'un même d'une même corporation, quel que soit leur sexe, quel que soit leur pays d'origine et quel que soit leur travail en fait. Et ça allait à contrario de ce qu'était le syndicat à l'époque qui était dominant aux États-Unis, qui était le American Federation of Labor, qui lui était un syndicat corporatiste, un syndicat de métier, et essentiellement qui s'adressait essentiellement à la classe ouvrière américaine. Et j'ai complètement oublié de dire qu'au départ, en fait, ce qui fait l'importance des écrits d'Emma Goldman sur la période, en tout cas sur la période américaine, c'est que c'est un document historique vraiment de première importance parce qu'il s'inscrit dans l'histoire des mouvements d'émancipation qui a eu lieu aux États-Unis de la fin des années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et c'est une histoire qui est peu connue pour les lecteurs francophones parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui traitent de cette question. Pour les plus récents, il y a l'histoire des États-Unis, populaire des États-Unis de Ward Zinn. Il y a un livre donc sur les IWW qui est sorti par les éditions L'Insomniac sur Oblo et Vobis et Obo, ou le bouquin sur Joe Hill. Voilà, donc il y a peu de livres qui documentent en fait un lecteur francophone sur cette histoire du mouvement ouvrier américain. Il y a le bouquin de Larry Portis aussi. Oui, bien sûr, mais voilà, Larry Portis qui a écrit un livre sur les IWW, voilà. Mais qui n'est pas très diffusé, on ne peut pas dire qu'on le trouve partout. Disons que le livre le plus diffusé actuellement, c'est l'histoire populaire des États-Unis de Ward Zinn, et c'est Vlobby, le livre paru à l'Insomniac, Vlobby et Obo, qui est absolument passionnant, parce qu'il nous plonge vraiment dans l'histoire des IWW, qui avait toute une culture, qui prenait la poésie, voilà, les chansons. Enfin, c'est un bouquin absolument passionnant. Donc, pour toutes ses activités, elle va connaître plusieurs fois la prison. Elle va passer plusieurs années en prison. Et elle consacre donc plusieurs chapitres dans son livre sur les conditions de vie dans les prisons. Les conditions de travail d'ailleurs des femmes dans les prisons et sur les conditions de vie de ces co-détenus qui étaient en majeure partie évidemment les classes les plus pauvres de la société et dont elle se sentait toujours profondément solidaire. En avril 1917, donc les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale, il y a l'appel à la conscription. Et Emma Goldman, avec Alexandre Berkman et avec leurs camarades autour, vont immédiatement s'opposer à la guerre et vont former une ligue contre la conscription. Là aussi, la répression va être absolument terrible, en fait, contre tous ceux qui vont s'opposer à la guerre, aux États-Unis en tout cas. Les gens, on pouvait être condamné à 22 ans de prison pour avoir sorti un tract contre la conscription ou contre la guerre. Et donc, ils vont sillonner le pays pour défendre donc cette idée de contre la guerre, pour défendre donc cette ligue contre la conscription, pour ne pas être dans la conscription. Il y aura des dizaines de personnes qui vont assister à chaque fois à leur meeting, leur manifestation. Et c'est pour ces positions contre la guerre que Emma Goldman et Alexandre Berkman vont être condamnés à 2 ans de prison et condamnés à être expulsés des États-Unis vers la Russie. Donc là, voilà. Donc en décembre 1919. Ils vont être expulsés en Russie. Ils vont arriver en Russie en janvier 1920. Il y a tout un chapitre qui est absolument extraordinaire. En tout cas, on s'est régalé de le traduire, qui raconte en fait l'épopée parce qu'ils sont expulsés en Russie avec 247 autres radicaux qui étaient en fait des ouvriers russes, des ouvriers radicaux que le gouvernement américain a expulsés vers la Russie. Et ils sont expulsés sur un vieux rafio qui s'appelle le Buford. Et sur le bateau, donc ils sont encadrés par des soldats. Et très très vite, l'atmosphère va devenir une atmosphère très revendicative, parce que les expulsés vont protester et vont s'auto-organiser pour réclamer des meilleures conditions de vie sur le bateau. Et les soldats vont, en fait, qui les encadrent, vont fraterniser avec leurs idées. Et un jour, il y a même une délégation de soldats qui va se présenter à Alexandre Bergman. C'est une délégation. Et ils leur disent, voilà, on va organiser une mutinerie sur le bateau contre le commandement. Et on veut te nommer commandant du bateau. Bon, ça sera certainement la première action en direct qui va refuser, parce qu'il ne pouvait évidemment pas devenir commandant du bateau. Bon, en tout cas, ils arrivent en Russie, donc en janvier 1920, et ils arrivent fous d'enthousiasme pour la révolution russe. Ils arrivent fous parce que déjà, ça faisait plusieurs années qu'ils voulaient revenir en Russie, déjà depuis les événements de 1905 en Russie, mais ils avaient décidé de rester aux États-Unis parce que c'était là qu'ils se sentaient les plus actifs. Mais donc, ils arrivent, ils sont heureux, en plus ils sont russes, ils parlent la langue russe, ils connaissent la société. Et aussi, ils sont fous d'enthousiasme pour le parti bolchevique. Pour eux, ils identifiaient vraiment la révolution russe et le parti bolchevique. Et il faut dire que quand ils arrivent en Russie, ils sont accueillis, Bergman et Magolman, sont accueillis officiellement en fait par le parti bolchevique. On vient les attendre, voilà, pour fêter leur arrivée. Donc ils arrivent un peu en grande pompe, on va dire, à Moscou. Mais évidemment, la réalité ne va pas du tout être celle-là. Et je trouve que le chapitre sur la Russie fait 200 pages, en tout cas il faisait 200 pages à la traduction. C'est un document historique absolument exceptionnel, parce que, comme j'ai dit, donc Emma Goldman, elle parle russe, elle connaît la société russe, et elle a circulé librement, elle et Bergman, mais chacun pas forcément ensemble, ils ont circulé vraiment librement dans la société. Elle allait sur les marchés, elle allait dans les gares, elle, malgré les nombreux propusques là, pour pouvoir circuler, les laisser passer, elle arrivait toujours à contourner ça. Donc ils ont pu aller dans les usines, ils ont pu aller sur les marchés, moi j'ai déjà dit, dans les prisons, et contrairement aux délégués étrangers qui venaient en Russie à l'époque, qui restaient quelques semaines, eux ils sont restés 2 ans, donc ça leur a donné vraiment le temps de s'imprégner de la situation en Russie. Donc, ce qu'elle constate, c'est qu'évidemment, la réalité n'est pas la réalité dont elle avait rêvé. D'abord, elle constate la misère absolument effroyable pour la grande majorité de la population. Les gens n'ont rien à manger. Il n'y a pas de bois pour se chauffer. Il fait quand même très froid en Russie. Les ouvriers dans les usines qui travaillent, ils ont du pain rassis. Elle constate que le parti bolchevique n'a mis en place aucune forme de distribution nouvelle. Donc il n'y a rien sur les marchés, il n'y a rien à manger sur les marchés, on trouve pas de produits sur les marchés. Et dans les campagnes, le parti bolchevique confisque aux paysans leur production. Donc elle constate aussi que par contre, les dirigeants bolcheviques vivent de façon complètement différente, qu'il y a des privilèges, qu'eux, ils ont des rations différentes. Je sais pas, je crois qu'il y a 24 types de rations différentes, mais qu'eux, ils ont des rations de nourriture bien plus importantes que la majorité de la population. Leurs conditions de logement, leurs conditions de voyage ne sont pas du tout les mêmes que la majorité de la population. Et elle constate l'existence d'une bureaucratie. Elle voit de plus en plus que la société, en fait, est parasitée par toute une couche de gens qui sont là pour contrôler la société, mais qui font absolument pas fonctionner la société. Dans les usines, il y a les gens qui contrôlent les ouvriers qui travaillent et qui bénéficient des rations, d'ailleurs, qui devraient revenir aux ouvriers. Et donc, toute cette classe, elle constate que toute cette classe de bureaucrates, en fait, empêche toute forme d'initiative, et que c'est l'inertie, et que tout ça, ça aggrave en fait la misère de la population. Excuse-moi, tu peux rappeler, c'est en quelle année ça ? Ça, c'était en 1920. D'accord. Voilà. Et ce qu'elle constate aussi, c'est la corruption, évidemment, à l'intérieur de cette classe de bureaucrates. Et ce qu'elle apprend aussi, c'est la répression. C'est-à-dire qu'elle apprend que de plus en plus que toute forme d'opposition au gouvernement bolchevique et les gens vont en prison, et en particulier va en prison les anarchistes qui avaient été les premiers avec les bolcheviques à défendre la révolution d'octobre, à être engagés dans la révolution d'octobre. Et les arrestations se feront de plus en plus massives. Voilà, on arrête les gens sans qu'ils soient jugés, ils sont condamnés à la prison ou ils sont condamnés à la mitraille. Voilà, elle constate ça. Emma Goldman, elle a, et ça je trouve que c'est extraordinaire quand on la lit, c'est qu'elle n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'elle a des convictions, elle a vraiment des convictions profondes, mais quand elle se confronte à la réalité et qu'elle voit que la réalité, ça ne correspond pas à ce qu'elle avait pensé, elle se questionne. Et donc, devant cette réalité-là, elle se questionne, elle doute, elle cherche des explications, donc elle cherche des explications auprès des camarades, auprès de ses amis, auprès des membres du parti bolchevique. Et comme elle et Alexandre Berkman étaient donc connus par les membres, les grands dirigeants du parti bolchevique, ils ont pu rencontrer donc un certain nombre de leaders du parti bolchevique. Donc un jour, elle va voir Alexandra Kollontai, la grande Alexandra Kollontai, elle lui explique comment elle voit la situation. Et Alexandra Kollontai lui dit, mais rien, c'est rien, c'est des petites tâches là sur la révolution. Venez travailler avec nous, il y a tellement de travail à faire pour les femmes. Voilà. Ils vont voir Lénine, qui écoute leur façon de voir la situation, et qui leur dit, qui rejette en fait tous leurs arguments, et qui leur dit que tous les gens qui sont en prison, c'est des bandits, c'est des macnovistes, ce ne sont pas des anarchistes idéologiquement fiables, et qui leur... qui leur propose de travailler avec eux au sein de la Troisième Internationale. Mais ça, ils vont refuser parce que ce qu'ils voulaient absolument, c'était garder leur indépendance, justement de ne pas se retrouver enfermés dans un cadre organisationnel. Donc, ils déclinent évidemment cette proposition. Et ils essayent par tous les moyens de se rendre utiles à la Révolution, donc de créer une maison de repos pour les ouvriers, de créer des cantines, des cafétérias dans les villes, parce qu'ils voyaient bien que les gens n'avaient rien à manger, ils pensaient qu'on pouvait organiser une meilleure façon d'organiser la distribution de nourriture, que les gens puissent manger chaud. Voilà, tout ce qu'ils proposent, c'est condamné à l'échec à cause de cette bureaucratie qui étouffe tout esprit d'initiative. Et donc la seule chose qu'ils vont accepter, c'est de travailler pour le musée de la Révolution. C'était quand même, pour eux, c'était un comble, parce que la Révolution, c'est quelque chose de profondément vivant. Mais ils acceptent parce que ça leur permet de voyager. Et ils vont pouvoir aller comme ça en train jusqu'en Ukraine. Et ils vont pouvoir aussi aller en train, donc jusque dans le nord de la Russie, dans un port de la mer Blanche à Arkhangelsk. Et là, ils vont constater évidemment la même situation, c'est-à-dire la misère, la répression, la bureaucratie. Ils vont constater exactement les mêmes choses qu'ils ont constatées à Moscou et à Petrograd. Pierre Kropotkin était rentré en Russie en février 1917, au moment donc de la révolution de février 17, et il décède donc en février 1921. Le mouvement anarchiste va organiser des grandes funérailles pour le décès de Kropotkin, auxquelles ils vont participer donc Alexandre Berkman et Emma Goldman et d'autres. Et il y a, si vous voulez, il y a quand on rentre dans Internet et dans YouTube, il y a un film sur les funérailles de Kropotkin qui est absolument émouvant, qui dure à peu près 12 minutes. Ça, on peut dire que c'est la dernière grande manifestation anarchiste libre qui a eu lieu en Russie. Et c'est très émouvant ce film parce que il est très bien fait, parce qu'il a documenté toutes les personnes qui apparaissent dans le film. On voit leur nom. Et un certain nombre d'entre eux, évidemment, vont disparaître dans les prisons de la Tchéka. Voilà. Donc c'est émouvant de le voir. Mais voilà, malgré tout ce constat, tout ce que voit Emma Goldman, tous ses doutes, ses questionnements, elle continue quand même, et Alexandre Berkman encore plus qu'elle, à ne pas vouloir critiquer ouvertement le parti bolchevique, parce qu'elle pense qu'il y a des priorités, qu'il faut d'abord défendre la révolution contre les puissances extérieures et qu'il faut aussi défendre la révolution contre les armées blanches, contre les forces de la réaction à l'intérieur. Donc elle n'émet pas ses critiques en public. Et il faudra attendre en fait les événements de mars 1921, le massacre de Kronstadt et de Petrograd, pour que là, qu'elle fasse la rupture avec le parti bolchevique. Il faut dire que au moment des grèves de mars 21 à Petrograd, elle est présente physiquement avec Alexandre Berkman sur place. Ils sont à Petrograd même, donc ils assistent au mouvement de grève dans les usines. Et ils ont évidemment connaissance tout de suite des mouvements de fraternité des marins de Kronstadt. Et au moment où se tient le soviet de Petrograd, je crois que c'est le 4 mars 1921, j'ai plus ça trop dans la tête, où Zinoviev préside ce conseil, ce soviet, qui va décider que si les marins et les ouvriers ne se soumettent pas, ils vont être déclarés contre-révolutionnaires, ils vont être massacrés. Emma Goldman est présente avec Alexandre Berkman. Là. Ils sont présents dans le meeting. Et elle, c'est terrible parce qu'elle le décrit, c'est très fort, parce qu'elle dit, elle qui était une très grande oratrice dans le mouvement ouvrier américain, elle est absolument incapable de prendre la parole, tellement elle perçoit les conséquences de ce qui va arriver. Et effectivement, pendant 10 jours, ils seront aussi présents à Petrograd quand va avoir lieu le massacre des marins de Kronstadt et des ouvriers de Petrograd. Donc à partir de ce moment-là, ça va être vraiment la rupture avec le parti bolchevique, et ils vont décider, elle et Berkman, donc de quitter la Russie, non pas parce qu'ils craignaient pour leur vie, parce qu'ils étaient des personnes suffisamment reconnues pour penser que ça les protégeait quelque part, mais parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen pour eux de rester actifs, en fait. Parce qu'il faut continuer à défendre tous les anarchistes russes qui sont emprisonnés, et aussi, il faut, pour eux en tout cas, il faut dénoncer à l'extérieur de la Russie ce qui est en train de se passer en Russie, et il faut faire entendre la voix, il faut dénoncer la nature de l'État bolchevique, qui est un État totalitaire, et dire haut et fort que le parti bolchevique a étouffé la révolution. Donc en décembre 21, il quitte la Russie, et à partir de ce moment-là, ça va être en fait une longue période d'exil jusqu'à la mort d'Emma Goldman en 1940. En 1923, on peut dire que Emma Goldman va être une des premières voix à l'étranger à dénoncer ce qui se passe en Russie. Une des premières voix, je ne dis pas du tout que c'est la seule, mais une des premières voix. En 1923, elle vit à ce moment-là en Allemagne. Elle publie un livre qui va être absolument massacré par l'éditeur, qui va changer son titre, qui va supprimer les 12 derniers chapitres du livre, rien que ça. Et qu'elle va donc, il va être republié en 1925. Et il vient d'être, je le cite parce qu'il vient d'être publié là par les Nuits Rouges l'année dernière, ça s'appelle « L'agonie de la Révolution », les années 1920-1922, en fait qui reprend, c'est surtout le chapitre ici, le chapitre sur la Russie, qui reprend en grande partie le contenu de ce livre. Et Alexandre Berkman, lui, publie en 1925 le mythe de l'État bolchevique, le mythe bolchevique, je crois, qui vient lui aussi d'être republié, retraduit et republié par les éditions Klingsink. Ce sont des livres absolument passionnants à lire. Alors évidemment, leurs positions sont très très mal reçues, en particulier par le milieu communiste. Donc ils sont mis au banc, en fait, politiquement. Et leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. D'abord parce qu'ils ont des visas pour des très courtes durées. Ils sont ballottés de pays en pays parce que la Tcheka et le FBI sont sur leurs traces et font pression sur les gouvernements, pour tous les différents gouvernements qui les accueillent, pour leur donner des visas de très courte durée. Donc elle va passer par la Suède, par l'Allemagne, par la France, par l'Angleterre, le Canada. Alors pour essayer de déjouer cette situation-là, en 1925, elle qui était contre le mariage, elle s'était quand même mariée quand elle était très très jeune, elle va se marier avec James Cotton, qui était un mineur gallois, et qui va lui permettre d'avoir la nationalité anglaise et de pouvoir voyager en Europe et au Canada, sauf aux États-Unis, puisqu'elle n'avait pas le droit d'y revenir. Dans toutes ces conditions de vie, elle n'a évidemment pas de travail, donc elle essaye de survivre tant bien que mal, beaucoup avec le soutien des amis, en donnant des conférences. Les pays dans lesquels elles sont accueillies, elle n'a pas le droit d'intervenir politiquement, parce que si elle intervient politiquement dans le pays, elle est immédiatement, on lui dit de s'en aller. Donc elle n'a pas d'activité politique. Donc leurs conditions de vie, ces conditions de vie sont très très difficiles. Je dis leurs conditions de vie parce que même si elle vivait pas avec Alexander Berkman, ils sont restés extrêmement proches, vraiment jusqu'à la fin de leur vie. Le livre, lui, s'achève en 1928, c'est-à-dire le moment où elle commence son autobiographie. Donc elle commence à parler de ses années d'exil qui vont évidemment se prolonger jusqu'à sa mort. Et elle va continuer quand même à rester active politiquement. Elle continue à donner des conférences, à intervenir sur la situation des pays, de ce qui se passe dans la situation. Et en particulier, elle parle sur la montée des dictatures en Europe, la montée du nazisme. Donc elle continue vraiment à développer son activité et toujours à parler évidemment sur ce qui se passe en Russie. En 1934, elle qui rêvait de retourner vivre aux États-Unis, elle a la possibilité de retourner pour un visa juste de 3 mois. Donc elle va juste passer 3 mois aux États-Unis, où elle va voyager pendant 3 mois dans différents endroits. Et en 1936, Alexander Berkman décède à Nice. Que Emma Goldman, qui vivait à l'époque en Angleterre, rentre pour être près de lui, quasiment au moment où il décède. Ça va être un moment extrêmement difficile pour elle, mais il y a la révolution espagnole qui éclate. Donc un mois après, elle part en Espagne, sur l'invitation de la CNTFI, et elle va aller en Espagne à 3 reprises, donc en 1936, en 37, en 38. Elle va aller dans les collectivités agricoles, elle va aller dans les usines, elle va rencontrer Durruti sur le front Aragon. Le problème, c'est que comme elle reste à chaque fois 2-3 mois, mais elle ne parle pas la langue, voilà, c'est une langue, l'espagnol, qu'elle ne parlait pas, donc elle pense qu'elle était plus utile pour la cause de la révolution espagnole en Angleterre. Elle est en désaccord avec la direction de la CNTFI quand ils rentrent dans le gouvernement Caballero. Elle est en désaccord aussi avec leur position vis-à-vis du Parti communiste espagnol et évidemment aussi vis-à-vis des communistes russes. Mais elle adopte en fait la même position qu'elle avait eue en Russie, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas ses désaccords publiquement. Elle l'écrit dans des lettres à des amis, mais publiquement, voilà, elle continue à défendre la CNTFI. Toutes ces années après, jusqu'à sa mort, elle va continuer donc à défendre la révolution espagnole, après les réfugiés espagnols, et aussi à lever des fonds pour soutenir les anarchistes russes qui avaient été exilés de Russie, mais qui n'avaient aucun moyen de survivre dans les pays d'Europe. Et elle meurt en 1940 à Toronto. Elle vivait déjà au Canada depuis un an. Et ce que le gouvernement américain lui avait refusé de son vivant, il va l'accepter quand elle est morte, puisqu'ils vont accepter que sa dépouille mortelle soit ramenée à Chicago. Elle voulait être enterrée dans le cimetière de Waldheim à Chicago, là où étaient enterrés les martyrs de Haymarket Square, et là où était enterrée Voltairine de Clare, qui est aussi une grande figure une grande figure féminine du mouvement anarchiste et pour qui Emma Goldman avait beaucoup d'admiration. Voilà, donc elle est enterrée à leur côté, c'est ça qu'elle voulait. Voilà, mais parler d'Emma Goldman, je m'excuse, j'espère que je ne suis pas trop longue, c'est aussi je voulais parler aussi d'autres facettes qui la caractérisent et qui font que ce bouquin est absolument passionnant. C'est parce qu'elle s'intéressait aussi à toutes les formes d'art qui essayaient d'être en rupture avec le passé. C'est-à-dire toutes les formes d'art qui s'intéressaient à... comment aller vers la liberté, comment imaginer ce que serait une femme nouvelle, un homme nouveau. Et elle est passionnée de théâtre, et en particulier de ce qu'on appelait à l'époque le théâtre moderne, c'est-à-dire c'était Ibsen, c'était Strindberg, c'était Tchekhov. Elle va même pendant un temps être manager d'une troupe de théâtre russe à New York. Elle est passionnée de ces dramaturges-là. Elle va donner de nombreuses conférences aux États-Unis sur ces auteurs de théâtre. Elle va publier en 1914 un livre qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle « La signification sociale du théâtre moderne ». Donc je vous donne la traduction en français, voilà. Elle était aussi passionnée de littérature et de la nouvelle littérature. Elle était une fan de Nietzsche. Et elle lisait absolument énormément. C'était vraiment une autodidacte. Et quand elle partait à une manifestation ou à un meeting, elle avait toujours des affaires de toilette et un livre dans sa poche, parce qu'elle se disait, au moins si je vais en prison, au moins je vais avoir le temps de lire. Voilà. Donc, et elle avait publié une revue qui s'appelle Mother Earth, qui a duré pendant 11 ans, de 1906 à 1917. Et dans cette revue, son idée, et c'est ce qu'elle a essayé de faire après, c'est d'associer les idées sociales aux jeunes expérimentations artistiques. Voilà. Et plusieurs artistes ont contribué aux couvertures de ces revues. On a publié quelques couvertures dans le cahier photo, en particulier Man Ray, voilà, qui avait été... un élève, en fait, de l'école Ferrer qu'ils avaient fondée à New York à l'époque. Donc, ce livre-là, même si c'était un document historique absolument incroyable, c'est pas du tout un ouvrage froid et factuel, parce que Emma Goldman, d'abord, elle savait compter, et c'est aussi un journal intime. Elle accordait énormément d'importance aux ressorts sensibles de son âme, d'abord de son être à elle-même, et des êtres qu'elle rencontrait. C'est-à-dire que les émotions, comment on vivait la vie, les questions qu'on se posait, pour elle, c'était absolument vital. Et quand elle était elle avait vraiment une très grande finesse psychologique. Et quand elle avait fait ses études de sage-femme à Vienne, en 1886, elle avait eu l'occasion de pouvoir assister aux conférences de Freud. Elle avait été complètement... vraiment absolument passionnée par les conférences de Freud. Elle disait qu'écouter Freud, c'était passer de la cave à la pleine lumière. Ça lui avait appris énormément de choses sur la question de la sexualité, l'homosexualité. Ça, comme elle disait, ça l'avait fait découvrir elle-même, en fait. Et donc, elle décrit dans ce livre, il y a des portraits psychologiques absolument incroyables. Elle faisait des portraits pas très longs, mais des personnes qu'elle rencontre, Kropotkin, Louise Michel, John Reed, Jack London, Lénine, voilà, qui sont des portraits vraiment, Alexandra Kollontai, extrêmement ramassés, mais vraiment d'une acuité, paf, en plein dans le mille, quoi. Emma Goldman... Évidemment, c'était aussi une grande passionnée au niveau de l'amour. Ce qu'elle prônait dans la vie, c'est-à-dire dans ses conférences de revendiquer l'amour libre, la sexualité libre, ben elle se l'appliquait évidemment à elle-même. Donc elle a connu des grandes passions amoureuses, que ce soit donc avec Alexandre Bergman, avec Édouard Brady, qui était un exilé allemand, voilà, qui avait fait beaucoup d'années... qui avait passé beaucoup d'années en prison en Allemagne parce qu'il était anarchiste et qui avait été exilé aux États-Unis, que ce soit avec Ben Reitman ou d'autres. Voilà. Donc elle nous fait partager ses passions amoureuses. Elle nous fait partager les joies qu'elle en retire, c'est même ses joies sexuelles. Ça, c'est, moi, je trouve ça extraordinaire de lire ça dans son livre, si on replace à l'époque où c'était écrit, en 1928. Elle nous fait partager aussi les doutes, les incompréhensions, les contradictions que ça fait naître, voilà, dans sa tête, ses passions amoureuses. Et on peut dire que ce qu'elle décrit, c'est on a l'impression que c'est le journal intime d'une amie, en fait, qui, à l'heure d'aujourd'hui, pourrait nous dire, en fait, les mêmes choses. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça a été aussi passionnant, en fait, de traduire ce livre, et qui a fait qu'on a pu vraiment arriver jusqu'au bout des 990 pages. Voilà, et je crois que je termine là-dessus. On est de retour au direct dans le magazine Libertaire sur Jet FM. On vient donc d'écouter Laure Baltier qui nous présentait le bouquin d'Emma Goldman, la traduction francophone du bouquin d'Emma Goldman, Vivre ma vie. On va vous laisser en musique pour quelques minutes et on revient tout de suite après pour parler de Parcoursup. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan. se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Con precintos que atan. Que fake está, mentira. Y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. Que no sé para fiasco. ¡Oh, qué placer! Ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no. On est toujours dans le magazine Libertaire sur Jet FM. On va maintenant parler de Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme, c'est la plateforme pour les personnes qui souhaitent suivre des études dites supérieures, donc des études après le bac. Et si on parle de cette plateforme aujourd'hui, c'est que le 22 janvier, la plateforme va être ouverte pour les inscriptions et pour faire ses vœux pour l'année prochaine. Et ce sont donc des dizaines de milliers de lycéens qui vont se retrouver une fois de plus confrontés à l'arbitraire des algorithmes. Et pour en parler aujourd'hui, du coup, on va écouter Solène, qu'on a interviewée l'année dernière, pendant qu'elle était en train d'attendre que Parcoursup lui réponde sur sa demande d'affectation. Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup. Je m'appelle Solène. Et je suis en terminale cette année, du coup, j'ai dû m'inscrire sur Parcoursup. En gros, c'est une plateforme qui permet de faire des sélections pour tout ce qui est fac, DUT et tout. Après, il y a des écoles aussi qui sont hors Parcoursup, donc c'est les écoles privées, les choses comme ça. Et du coup, chaque étudiant qui veut rentrer dans le supérieur doit s'inscrire sur Parcoursup. Pour les personnes qui sont en terminale, les profs, ils obligent à quand même créer un truc sur Parcoursup parce que tout ce qui est hors Parcoursup, par exemple les écoles privées, comme j'ai dit, enfin certaines écoles de commerce, je crois, enfin je sais pas ce que j'y suis pas y allée, ils obligent parce que c'est encore plus sélectif et du coup, ils sont pas du tout sûrs d'être pris. Et pour être sûr d'être pris quelque part, faut faire des vœux dits non sélectifs. Les vœux dits non sélectifs, enfin je dis parce que pour moi, ils sont quand même un peu sélectifs, mais c'est tout ce qui est l'université en fait. Et en plus, ça dépend des universités, par exemple, STAPS, c'est sélectif. Mais c'est marqué sur Parcoursup, il y a une petite case où à chaque fois on décrit la formation ou l'école et ils mettent si c'est sélectif ou non. Déjà, même pour la fac, moi par exemple, j'ai demandé la fac de sciences, il y avait quand même une liste d'attente, donc même si c'est... Enfin, on te dit que c'est non sélectif, mais il y a quand même une liste d'attente et t'es pas forcément sûr. Enfin, par exemple, je suis 200e, mais il y en a qui peuvent être qui sont encore 1000e, donc même si ça va descendre, ils sont pas forcément sûrs d'être pris, ils peuvent être casés dans une autre fac, quoi. Donc, c'est un peu sélectif. Alors si je me souviens bien, il y avait une première phase où on devait s'inscrire sur Parcoursup et du coup on a tous les données, genre les noms, prénoms, tout ça à remplir, les bulletins scolaires à faire remonter. On doit écrire en fait un texte sur nous, toutes les formations qu'on a, tous nos activités, tous nos loisirs, des choses comme ça. Une sorte de lettre de motivation ? Non, ça c'est pour après en plus, okay. Pour la fac, mais c'est plus, enfin ça va rentrer dedans, enfin ça s'appelle projet, je sais plus comment, okay. Mais ça rentre dedans et là c'est plus juste pour décrire vraiment tous nos loisirs et tout. Ça c'est la phase, je sais plus comment elle s'appelle non plus, mais bon. Après il y aura une autre phase où on va devoir choisir toutes les facs, tous les DUT, enfin tout ce qu'on demande en fait. Et on peut faire 15 ou 20 vœux, je sais plus. Après il y a une autre phase où on doit remplir vraiment notre lettre de CV en gros pour la formation. Et voilà, après on doit tout valider jusqu'à une date. Et maintenant, c'est la phase où on commence à recevoir les résultats. Puis on a un certain nombre de jours pour dire si oui ou non on accepte la formation. Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup, Parcoursup. Moi, personnellement, j'avais demandé que deux facs et je suis sur liste d'attente pour les deux pour le moment. Après, au début, ça baissait beaucoup parce que vu que tout le monde tous les profs ont demandé de faire des vœux non sélectifs, en fac, ça diminuait beaucoup. Genre, moi, je perdais 100 places par jour, mais là, ça commence un peu à stagner. Du coup, quand tu dis ça baisse beaucoup, tu perds 100 places, ça veut dire que tu remontes dans la file, dans la liste d'attente ? Ah oui, je dis perds parce que du coup, ça diminue le nombre, mais typiquement, on augmente de la chance d'être pris. Oui. Et tout à l'heure, avant qu'on discute, toi, tu disais que tu étais contre Parcoursup ? Ouais. Est-ce que tu as envie d'expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, sur Parcoursup, par exemple, il y a une fiche à venir que j'ai vue. Et c'est un classement de... en fonction de ta moyenne, t'es à quel rang sur ta classe, en fait. Ils te classent vraiment qu'avec tes notes. Et pour moi, ils ne devraient pas se baser que sur ça. Après, ils disent qu'avec la fiche projet et tout, là, ils peuvent... avec les loisirs, ils vont en prendre en compte. Mais pas forcément. Je sais que, par exemple, pour leur fac, souvent, ils disent même pas le CV. Ils se basent juste sur tes notes et la réputation de ton lycée, donc ça fait pas tout, quoi. Comment on peut savoir, en fait, sur quoi ils se basent ? Est-ce que quand vous avez des réponses, est-ce que vous savez sur quoi ils se sont basés pour faire ces réponses-là? Bah, si je dis que pour la fac, par exemple, je ne regarde pas la lettre de CV, c'est par exemple, j'ai un ami qui avait écrit comme lettre de CV pour sa fac de psycho, je veux aller en fac de psycho pour comprendre mieux comment analyser mon chien qui bave beaucoup. Enfin, il avait écrit n'importe quoi, et il a été accepté direct, donc c'est forcément qu'il ne lise pas. Et après, ça dépend, hein. Il y a des trucs plus sélectifs, par exemple, comme STAP, je sais qu'ils se basent sur s'ils font du sport en dehors, s'ils jouent en national ou pas, s'ils font de l'option sport ou des choses comme ça, mais... Ça dépend des écoles. Mais normalement, il y a une liste de critères... Qui est accessible. Ouais. Ok. Et puis la fausse joie pour des milliers de lycéens. Cette semaine, ils recevaient leur affectation après avoir émis leur souhait sur la plateforme Parcoursup. 67 000 d'entre eux ont été acceptés sur leur premier choix. Et puis hier, un mail venait leur dire finalement non, nouveau bug de la plateforme. Bah, par exemple, mon pote, il était hyper content parce que c'était la formation qu'il voulait vraiment. Et peu de temps après, ils ont appris qu'en fait, c'était un bug et du coup, qu'en fait, ils n'étaient pas acceptés. Ils étaient, par exemple, centièmes sur liste d'attente. Après, mon ami, je sais qu'il a été accepté peu de temps après. Donc, maintenant, il le vit bien. Mais sur le coup, ça fait un peu un faux espoir. J'entends votre dièse, j'ai réussi à être pris. Mais en fait, non, c'était juste un bug, quoi. Dans ma classe, il y a deux ou trois personnes à qui c'est arrivé. Et on est 33, donc ça fait quand même, pas mal de gens. Après, je sais que dans les gens de ma classe, c'était des vœux qui n'étaient pas leurs premiers vœux, en fait. Donc, ça leur a pas tant touché que ça. Mais ça peut faire mal, quand même. Surtout si t'es pas pris au final. Donc, c'était la panique au lycée. Tout le monde était en train de regarder. En plus, on pouvait plus se connecter sur la page à certains moments. Donc, ça faisait paniquer pas mal d'élèves, en vrai. Parcoursup, du coup, est-ce que tout le monde va voir tous les jours? Enfin, comment ça se passe, en fait? Une fois que t'es pris, forcément, t'y vas plus. Mais je sais que dans mon cas, j'ai certains potes qui ont été pris dès le début, d'autres qui ont commencé à être pris genre une ou deux semaines après. Mais pour ceux qui n'ont pas été pris alors que tous leurs potes commencent à s'éclater, t'es en mode « bon, moi, il faut que j'attende encore ». Puis, c'est un peu le stress quand même, genre... Surtout que dans ma classe, je crois qu'on est encore 5 à n'avoir été acceptés nulle part pour le moment. Ça fait quand même pas mal de personnes. Après, moi, je suppose que je vais être prise vu mon classement et tout ce qu'on pronostique. Mais c'est un peu angoissant quand même. T'es en mode, pour moi, je suis prise nulle part, je sais même pas où je vais finir. Donc, tu regardes forcément presque tous les matins pour voir si t'as baissé. Beaucoup, on a téléchargé l'application, c'est la première chose qu'on fait le matin. Est-ce que dans la cour, tout le monde est sur son appli Parcoursup? Surtout le premier jour, on est arrivé, mon prof par exemple, il était en train de dire alors les résultats et tout, tous les élèves ils étaient dessus, ils regardaient presque tout le temps alors que ça s'actualise qu'une fois par jour. Mais surtout au début, maintenant ça s'est un peu calmé parce que de toute façon ça stagne encore, il va falloir attendre après le bac parce qu'il y en a certains qui ont les résultats qu'après le bac pour certaines écoles. Mais c'était surtout angoissant au début, hein. Tu sentais la tension, ça écoutait plus en cours, tout le monde parlait que de ça. Et du coup, il y a une date de fin? Il me semble que oui, c'est le 16 juillet, du coup. Mais je suis pas sûre. Et ça veut dire que le 16 juillet, tout le monde est censé avoir une place quelque part? Non, il y a une autre phase après, pour ceux qui ont été acceptés nulle part. Il y avait un truc à remplir au début sur Parcoursup. C'était les secteurs qu'on préférait. Ils vont essayer de nous casser en fonction de tout ce qu'on a coché, en fait. Donc, mais ce serait pas forcément ce qu'on avait demandé de base. D'accord, ça veut dire que tu peux te retrouver... Oui, je peux me retrouver. J'ai demandé fac de sciences, je peux me retrouver en fac d'éco, quoi. Enfin, je sais pas quoi. Dans une autre ville. Oui. Mais surtout les. Ouais. Ils vont te mettre là où il y a de la place, donc tu sais pas du tout. Cool. coup, il y a eu des luttes l'année dernière sur Parcoursup. Est-ce que votre lycée, vous y avez participé à ces luttes? Nous, on avait participé à cette lutte. Enfin, c'était pour plusieurs trucs aussi, mais il y avait contre Parcoursup. Puis même cette année, je sais que quand on faisait des luttes pour l'écologie, bah, on mettait quand même un peu Parcoursup dedans. Même un peu moins, un peu en retrait, mais on luttait aussi pour ça, quand même. Et du coup, qu'est-ce qui vous embête au lycée sur Parcoursup? Déjà le fait qu'ils se basent que sur les nombres, enfin il faudrait qu'ils prennent d'autres critères. Puis bon, je parle de moi perso parce que je sais pas trop tout, mais aussi le fait qu'ils jouent en fonction de la réputation de ton lycée en fait. Par exemple ceux qui sont à Clémenceau vont être plus favorisés que d'autres lycées. C'est pas très juste quoi, c'est pas forcément toi qui as choisi. Tu peux choisir, mais si tu veux être accepté là où tu veux et que c'est pas ton lycée de secteur, faut quand même que t'aies les meilleurs résultats de base en troisième. Le monde déteste la sélection et tout. Le monde déteste la sélection et tout. C'est quoi le rôle de la machine par rapport au rôle des humains en fait dans Parcoursup? Je pense que c'est justement avec les nombres, les moyennes en fonction. Enfin, ils doivent faire un classement en fonction du lycée, de ta moyenne, de. Enfin, du nombre que tu as sur la classe en fonction des matières qu'il y aura dans ce que tu as demandé, puis faire un classement du meilleur au moins bon, quoi. Mais je pense que la machine, justement, c'est tout le rôle qui est avec les notes et tout classé, puis les personnes qui sont derrière, c'est plus pour tout ce qui est l'aide de motivation et tout. Attends, je me connectais à mon Parcoursup. J'ai dû tellement me... C'est dans les trucs... C'est dans tes favoris? Ouais. Nous, c'est comme ça. Et là, par exemple, 2 vœux en attente, 0 vœux refusés, 0 proposition d'admission. 209e. Et c'est quoi le truc, la position dans la liste d'appel? J'ai pas trop compris, mais je crois que ça se base sur ce qui était l'an dernier. Ouais, je sais pas. Consultez la vidéo. Je sais pas si je peux mettre un grand écran. Bonjour mesdames. Salut. À partir du 15 mai, sur Parcoursup, tu vas recevoir les réponses des formations à tes vœux. Tu peux recevoir plusieurs propositions d'admission en même temps ou à des dates différentes, mais attention, tu ne peux en accepter qu'une seule. À chaque fois qu'un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des places. Cela fait évoluer les listes d'attente pour tout le monde. Si tu es en liste d'attente en face de chacun de tes vœux, tu verras ta position dans la liste d'attente, le nombre total de candidats en attente et le nombre de places proposées par la formation. Principale nouveauté cette année, des infos sur la liste d'appel de la formation pour connaître ta position dans la liste d'appel, celle du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission cette année et la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2018. Cette info est disponible pour les classes préparatoires, les licences et certaines autres formations. Objectif ? Suivre et comprendre l'évolution de ta situation en liste d'attente. Prenons l'exemple de Sophie. Le 15 mai, elle consulte son dossier Parcoursup. Elle est en liste d'attente pour la formation A qu'elle a demandée. La formation offre 20 places. Elle a fait une proposition d'admission aux 20 premiers candidats dans sa liste d'appel. À partir du rang 21 dans la liste d'appel, les candidats sont placés dans une liste d'attente. Sophie est 30e dans la liste d'appel et 10e sur 380 dans la liste d'attente. Elle voit également que le dernier candidat ayant reçu une proposition à la fin de la phase d'admission en 2018 était 250e dans la liste d'appel. En gros, ma position dans la liste d'appel de formation, c'est cette année. Et ça, c'était l'an dernier. Le dernier qui a été reçu, il était 1748e. Et là, moi, je suis 2196. Cette année. Mais sauf que il manque plus de 200 places, donc en fait, c'est pas très... Cette année, il y a eu plus de demandes pour la fac de sciences. Ok. C'est pas clair du tout, hein. Et t'es en attente? Ouais. Et t'as fait combien de vœux? Deux, ouais. Mais deux vœux de fac. Ouais. Là, je suis 209e sur fac de sciences et 97e en fac de langue. Et t'as demandé que Nantes? Ouais. Et alors, du coup, quand t'es en attente, faut que t'attendes. C'est ça. Ouais. Qu'il y en a qui décochent le. C'est une sélection, puisque de toute façon, ils ont ton livret scolaire, tes notes, avis quand même au lycée et tout. Même la fiche à venir, On a une fiche à venir où on est classé en fonction du lycée et de la classe de ton effectif, en fonction de ta moyenne. Non, non, c'est absolument pas. Et puis même, t'as fait tes lettres de motivation et tout. Comment, enfin... Ouais. C'est bien Parcoursup. Hein. Bon courage, Solène. Voilà. En gros, ils font une fiche à venir qui est jointe dans ton dossier, en même temps que tes bulletins et tout. Et en gros, ça regroupe les... ça fait la moyenne entre tes deux trimestres de terminale. Et ils vont mettre toutes tes notes et ils vont classer, en fait, en fonction de ta moyenne et en fonction de l'effectif de la classe, en gros. Ils vont te donner un classement pour essayer de faire mieux passer ça. Ils disent oui, mais on précise si le niveau de la classe, il est bon ou pas très bon, comme ça... Si on sait que votre niveau de classe il est bon mais que vous êtes un peu plus bas, bah c'est pas grave. Mais en vrai, après il y a toutes les appréciations aussi des professeurs et tout. Et ils mettent aussi dedans, les professeurs ils rédigent des choses sur ta méthode de travail, sur ton autonomie, sur ta capacité à t'investir, sur ton engagement d'esprit d'initiative. Après il y a une appréciation du chef d'établissement aussi. Ils mettent un avis sur ta capacité à réussir. Parce que bon, forcément, ils le savent, eux. Par exemple, leur avis sur ma capacité à réussir, c'est assez satisfaisante. J'ai une capacité assez satisfaisante. À réussir. Voilà. Ok. Mais je sais pas comment ils... Enfin, ouais, je sais pas tu comment sais pas comment c'est évalué. Bah non, c'est ton prof principal qui fait ça. Enfin, cette année, nous, on en avait deux dans mon lycée. Mais c'est eux qui décident, en fait, si tu peux réussir ou pas. Et je sais que, par exemple, la fiche à venir, ils vont se baser dessus si t'as 9,98 au bac. Des fois, ils acceptent de monter à 10. Mais si, par exemple, ta capacité à réussir n'est pas très satisfaisante, bah, ils peuvent te dire bah, tu vas au rattrapage. Ça, ils vous le donnent en papier ? Ils vous l'envoient ? Non, c'est bah, sur Parcoursup, tu peux aller le voir, je ne sais plus où, mais sur le site, tu peux y avoir accès. Tu le savais qu'il y avait non, qui c'est... remplissait ces fiches ? Bah, moi, je si, ils en ont parlé, mais tellement vaguement que je m'en suis rendu compte que quand une amie m'a dit ça, en fait. Ça t'a fait quoi quand t'as vu ça ? J'ai l'impression de mettre fin, tu te fais classer, t'es en mode, bah... Enfin, ils ont pas classé, puis il y a pas que les notes qui comptent, quoi. Enfin, pour moi, puis classer comme ça, ça fait un peu en mode, ah, bah toi, là, t'es tant, enfin... La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est dégueulasse. La sélection, c'est... Après, je pense qu'ils ont voulu tenter une autre approche qui est... encore en train d'être peaufiné et oui, ça avance un peu à tatillon, mais c'est pas... Non, c'est encore une fois pas la bonne à partir du moment où par exemple, moi je sais que j'étais... je devais avoir 9 de moyenne en terminale, je suis là... Enfin, je sais qu'il y en a deux qui n'ont pas eu le bac, un qui l'a pas eu du tout, un qui l'a pas eu au rattrapage. Et on était deux à passer au rattrapage et moi je l'ai eu, donc techniquement j'étais la dernière à le passer dans ma classe. Et je sais que justement les commentaires du fait que en fonction de l'appréciation ils pouvaient augmenter à 10 pour te faire passer ton bac ou le faire réussir. Moi je sais que je l'aurais pas eu parce que, bah, j'avais une appréciation qui était moyenne. Et c'est là où je trouve ça super dommage parce que suffit que t'aies des problèmes avec tes profs principaux pour X raisons, que même ça soit tu sois dans une filière de lycée qui te corresponde pas ou que t'aies des notes dans des matières qui n'ont rien à voir avec tes études supérieures qui sont mauvaises, bah ça va te pénaliser sur tes études supérieures alors que peut-être là les matières seront bonnes en conséquence et il y aura pas de soucis quoi. Il y a je pense beaucoup d'étudiants aussi qui ont un déclic aussi au passage d'études sup. Et là, le fait que la personne peut peut-être prendre la maturité qui lui manque, enfin, c'est des choses qui se font pendant les premiers mois d'études sup qui, là, ne seront pas prises en compte. Peut-être qu'on va dire, bah, cette personne-là, elle a aucune capacité à réussir, alors que ça se trouve, elle va y aller. Et au bout d'un mois, les déclics vont se faire et ça va être génial, quoi. Faire dodo puis métro vieux boulot.

Et c'est pas du tout fini, vu que c'est 3 jours d'action contre la réforme des retraites. Il y a aussi des rendez-vous vendredi. Vendredi, à Saint-Nazaire, il y a un rendez-vous blocage à 4h40. Le rendez-vous, il est au rond-point cadran à Montoire. C'est à côté du resto routier le Delphanie, si je lis bien. À Nantes, il y a aussi des blocages à 4h45, c'est des blocages d'Épotane. Et du coup, il y a plusieurs points de rendez-vous, je vous invite à aller les regarder sur nantes.indimedia.org. Et à 19h, toujours demain, il y a une assemblée générale et formation juridique à la Maison du Peuple à 17 rue du Chapeau Rouge. Samedi 11 janvier, c'est encore une journée de mobilisation nationale. À Nantes, il y a 2 manifs, une à l'appel des syndicats de l'intersyndicale 44, ce sera à 11h au miroir d'eau, et il y a une deuxième manif qui est à l'appel plutôt des Gilets jaunes cette fois, qui sera à 14h au miroir d'eau aussi. Tous ces rendez-vous, vous les retrouvez sur le site nantes.indimedia.org ou sur Démosphère 44. Je vous laisse en musique avant de se dire au revoir sur le magazine Libertaire. Bavure policière, arrestation massive, coup de crosse dans les gencives, politique répressive, la cible. Pseudo-terroristes, clando-parasites, squatteurs anarchistes, cancer de l'État par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées, ils font tâche dans le troupeau. Innocents en prison, en centre de rétention, la détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de vermine à détruire entre 4 murs vides, les épuisent et brisent leurs cellules grises. Ils créent un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs. La terreur en prime time au JT du 20h. Alors la parano est présente, stressante, pesante. Ça part dans tous les sens, naissance du désordre. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère, tuer le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, voilée féministe dans la cible, un tas de vermine à détruire entre 4 murs vides. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermine à détruire entre 4 murs vides. Stigmatisation du rhum, obsession du voile. Retour au pogrom, les fachos font leur comeback. Coup de batte. Peu importe ton sexe, tu finis dans la scène comme un militant du FLN. Rien de nouveau dans notre douce France. Et le voile devient symbole de résistance. Les drames passent sous silence et on gratte les criminels. C'est pas un scoop petit, ça remonte à des siècles. De Napoléon à Papon, de Mitterrand à Sarko. Politique violente de droite à chevaux. Le méchant loup est noir, il porte une beubare. Il vit en caravane, n'a pas de paplard. Un prolo en marche, anara éradiqué. Un sale connard, cancer de la société. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère, tuer le bouc émissaire. Victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroriste dans la cible. Clando-parasite dans la cible. Voilée féministe dans la cible. Un tas de vermine à détruire entre 4 murs vides. Pseudo-terroriste dans la cible, clando-parasite dans la cible, squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermine à détruire entre 4 murs vides. Victimisation, victimisation, provocation, provocation. Appelle ça comme tu veux, je relate juste l'indignation, l'indignation, la cible, la cible. On est toujours dans le magazine Libertaire et c'est l'heure de se dire au revoir et à la semaine prochaine, donc midi 5, toujours sur Jet FM. Et du coup, je rends l'antenne. À bientôt, prenez soin de vous et à demain dans la rue.